Romain Calbrice. Ces miracles que les livres qu'on me donnait dans mon enfance ne m'aient pas jamais dégoûté de la lecture, édité par MAM, avec l'approbation de Monseigneur l'archevêque de Tours, comme presque tous ceux qu'on publie à cette époque, à l'usage de la jeunesse, ces livres qui respiraient le plus profond ennui ne m'ont appris qu'à bâiller, et je les regardais à peu près du même œil que le verre taillé dans lequel, trois fois par an, on me faisait avaler mon père par force, ma mère par persuasion, la médecine noire, qui elle aussi était de mode alors. Heureusement, dans un grenier, jeté en tas, se trouvaient 10 ou 12 vieux bouquins que leur misérable couverture usée avait fait reléguer là. Le Roland Furieux de l'Arioste, le Gil Blas de Le Sage, un Molière complet, un tome de Racine, et cela un jour que j'en avais ouvert un au hasard, m'ont empêché de croire que tous les livres étaient des médecines. Combien d'heures ils m'ont fait passer sous l'ardoise surchauffée ou glacée, charmée, ravie, l'esprit éveillé, l'imagination allumée par une étincelle qui ne s'est pas éteinte. Sans eux, aurais-je jamais fait des romans? Je n'en sais rien, mais ce que je sais bien, c'est qu'ils m'ont donné l'idée d'en écrire pour ceux qui pouvaient souffrir, comme je l'avais souffert, moi-même, le supplice des livres ennuyeux. Dans Romain Calbrice, en souvenir d'un passé qui m'a laissé des rancunes vivaces, j'ai cherché à amuser ceux qu'on ennuyait. J'ai voulu leur donner le goût de la lecture et aiguiser leur curiosité au lieu de l'émousser. J'ai voulu aussi provoquer leur intérêt, émouvoir leur cœur, les attirer, les retenir, les amener à demander aux livres leur joie ou leur consolation. Dans le nombre de mes romans, 4 ont été inspirés par cette idée. Le premier est Romain Calbrice, le second Sans famille, le troisième La petite sœur, le quatrième En famille. Ai-je réussi? Il ne m'appartient pas de le dire. Ce sont les lecteurs de Romain Calbrice, ceux de Sans famille, d'En famille, de La petite sœur, qui ont bien voulu faire cette réponse. Mais en même temps, j'ai voulu mettre en scène une idée sous l'obsession de laquelle je suis resté pendant plusieurs années. J'avais perdu ma mère et je me disais qu'on était fou de s'éloigner de ceux qu'on aime, en prenant pour prétexte les nécessités de la vie, qui en réalité ne sont pas si impérieuses que l'imagine l'égoïsme. Qui sait si au retour on les retrouvera vivants? Quand on les aura perdus, combien ne regrettera-t-on pas de n'être point resté près d'eux autant que l'on aurait pu? De là est né Romain Calbrice, mais sa mise en œuvre n'a rien enlevé à l'amertume des regrets qu'il a inspirés.